né dans le début des années 2000. La dernière de la fratrie, vous l'avez dans le mille. Frère est né pour la seconde fois. J'ai appris sa naissance sur un coup de fil. 9 ans d'écart, nous séparent. Serons-nous pas, je sais pas. Mais une chose est sûre, je veillerai sur elle. Pas de débat. Le temps passe, je fais mon taf de grand frère. Je m'occupe d'elle, la voir grandir. Donc prendre soin d'elle, je sais comment faire et comment faire. Si quelqu'un lui fait du mal, je prendrai du fer. J'hésiterai pas à faire parler le fer. Première dent, premier mot et j'étais présent. Les premières chutes, les premières larmes, ouais, c'était stressant. Elle grandit vite, trop vite, c'est ça qui me fait le plus peur. Peu importe l'âge, elle reste ma petite sœur. Elle veut grandir trop vite, mais elle a oublié que rien ne sert de courir, petite sœur. Elle connaît mes limites, je suis capable du meilleur, mais aussi capable du pire, petite sœur. Elle veut grandir trop vite, mais elle a oublié que rien ne sert de courir, petite sœur. Elle connaît mes limites, j'suis capable du meilleur, mais aussi capable du pire, petite sœur. D'abord elle va au collège, c'est la rentrée au lycée. Fin de l'époque des tours de manège, pas vu passer l'Odyssée. Elle se prend pour une femme, veut sortir le soir, il n'en est pas question. Tant que je serai là dehors, je veux pas la voir, je ferai pas de concession. Tu connais le rituel, la relation devient vite conflictuelle. Tu vas fermer ta bouche, moi j'ai changé tes couches. Jusqu'à preuve du contraire, t'es bien sous ma tutelle. Elle veut s'émanciper car elle sait ce qu'elle fait d'après elle. Je connais les mecs bien mieux que toi, tu tomberas dans leur piste si c'est assez réel. On ne communique plus vraiment. On ne se connaît plus tellement. C'est la guerre à la maison, les tensions montent à chaque saison, car chacun pense avoir raison. Elle veut grandir trop vite, mais elle a oublié que rien ne sert de courir, petite sœur. Elle connaît mes limites, je suis capable du meilleur, mais aussi capable du pire, petite sœur. Elle veut grandir trop vite, mais elle a oublié que rien ne sert de courir, petite sœur. Elle connaît mes limites, je suis capable du meilleur, mais aussi capable du pire, petite sœur. Pas doué pour les mots, te préserver des démons, c'est tout ce que je veux. Je suis pas ton ennemi, je suis juste ton grand frère. C'est pas en toi que j'ai pas confiance, c'est en tout ce qui se trouve dehors. Donc je redouble de méfiance et deviens autoritaire à tort. Elle veut grandir trop vite, mais elle a oublié que rien ne sert de courir, petite sœur. Elle connaît mes limites, je suis capable du meilleur, mais aussi capable du pire, petite sœur. Elle veut grandir trop vite, mais elle a oublié que rien ne sert de courir, petite sœur. Elle connaît mes limites, j'suis capable du meilleur, mais aussi capable du pire, petite sœur. Elle veut grandir trop vite, mais elle a oublié que rien ne sert de courir, petite sœur. Elle connaît mes limites, j'suis capable du meilleur, mais aussi capable du pire.